Bonjour à tous et à toutes, vous êtes au bon endroit, au bon moment, c'est l'émission 161 de Goodbye Kevin. Il est 15h sur Radio Campus. Voilà, Lille. Nous sommes avec nos haleines de café post-repas. Ouais, Pierrot il est en café claquette, en chaussettes claquettes et moi je suis en peignoir, pour voilà. Tout vous dire. Vous savez tout, on allait en ville comme ça. Eh ben, parce qu'on est encore chez nous enfermés. Ça va bien Léna? Ça va bien et toi? J'ai l'impression que ça va bien toi. Ouais, ça va, je suis en forme. Eh bien, on va commencer, hein? Si ça te dit. Bah ça me dit, allez, ça me dit. Tais-toi les génériques. On va commencer avec un groupe, on va commencer avec la douceur, je suis sympa. On va commencer avec un groupe qui s'appelle Moons. Alors, petite devinette, de quel pays viennent les nouilles? Moons? Ouais. Bah pourquoi il y a un indice là-dedans? Bah non, il y a un piège bien sûr. Allez. Ils viennent un pays. Un pays de France. Eh bien, jouer les nouilles, c'est le Brésil. Non, mais c'était impossible à trouver. Bah oui. Donc, Moons, qui avait sorti un deuxième album, allez, à une époque, en 2018, okay. Avant le confinement. Maintenant, tout sera classé, ouais. Avant Jésus-Christ, avant le confinement. Et donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces bétails? Ils avaient sorti un deuxième album qui s'appelait Thinking of Outload, donc c'était en anglais hein, le titre, ouais. Comme j'ai bien prononcé. Et donc en fait, c'est un sextet brésilien qui signe 10 titres chantés en anglais. Ils ont fait pareil que leur titre d'album. Sur ce deuxième album. Exact, les nouilles. Exact. Et donc, oui, parce qu'on pourrait croire qu'ils chantent en brésilien, en portugais. Oui. Eh ben non, c'est pas le cas, surprise. Et donc, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la musique qui pourrait plaire aux fans de Nick Drake. Ouais. Lou Reed. Ouais. Bon Iver. Ouais. Ou encore Kurt Weill. Ok. Mais donc, c'est pas des trucs qui se ressemblent trop. Enfin. Ouais, je dirais quand même qu'ils sont. Pas Bon Iver. Bon Iver, c'est quand même. Ouais, c'est un peu calme, hein, quoi. Oui, c'est calme. Tout ça, c'est calme, hein, globalement. Ouais, mais Lou Reed, c'est un peu plus dark, j'ai l'impression, non? Ça dépend des périodes, mais bah, si t'écoutes certains albums, ouais. C'est calme aussi. Hein. Ou encore. Un dernier artiste, Leonardo Marques. Alors pourquoi je le mets, lui? Parce qu'il a enregistré et coproduit le disque. D'accord. Et lui, il est moins connu que les autres. Ouais, donc je présente un, je le présente un peu plus. C'est une sorte de Forever Pavo à la sauce brésilienne. Oh, bah dis donc, ça mériterait qu'on y jette une oreille attentive. Il est dans ma liste d'écoute à venir. Et j'ai écouté 2-3 morceaux et c'était très chouette. Cool. Donc, on va peut-être l'entendre dans les prochaines émissions. Et donc, ils étaient sortis initialement sur le label Disc Union, qui décrivait cet album comme un guide à travers des paysages bucoliques et confortables, conçu pour une appréciation calme et introspective et organique. Rien que ça. Voilà, bon, ça donne un petit côté, allez, pour faire résumer. En gros, c'est pour glander, quoi. À la Goodbye Kevin, voilà, c'est pour glander. Et puis, si tu l'écoutes, t'as l'impression de voyager. C'est bien, hein, quand il n'y a pas de confinement. Il y a du confinement. Et donc, il datait de 2018, cet album, et il a été réédité il n'y a pas longtemps, par le label français, 180... par le label... Bon, il n'y a pas longtemps, allez. Non, mais cette année, en fait. Ouais. Mais par le label français 180 grammes, qui est un peu un nom, label... Bon, c'est le poids d'une âme d'un disque vinyle. Ouais. D'une âme. D'une âme. Ah, comme... Voilà. Je me rappelle plus du film. Ah, le whisky, truc du whisky, là. Exactement. La part des anges. C'est pas ça. Non. C'est pas celui-là. Non, le truc où il y a la part des anges, c'est le whisky qui s'envole quand il est dans le film, qui s'évapore. C'est toujours pas ce c'est film. C'est toujours pas ça. Mais okay. Je vois ce que tu racontes, Léna. Et donc, ça nous fait un bijou de space folk rock. Vous l'aurez deviné avec les artistes que je vous ai cités comme ambiance. Et nous, on va écouter, c'est simple, la chanson elle s'appelle Moons, et le groupe il s'appelle Moons. Donc voilà, on va écouter ça et vous allez voir, c'est cool. C'est parfait pour continuer la sieste. For you. past about time to walk away. Feels like all this time I've been waiting for you. I cut my heart in two. C'est doux, hein? C'est doux, c'est doux. C'est frais, c'est doux. C'est soin. C'est soin. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu cette expression. Ouais. C'est soin. Voilà, c'était Moons, sextet brésilien. Écoutez leur album, je vous le conseille. Très bien. On enchaîne avec un duo suisse originaire de Zurich. Alors j'ai marqué Tumpels et Moon Duo en haut de ma feuille, je ne me rappelle plus pourquoi. C'est peut-être parce qu'ils ont fait leur première partie. Ouais, ils ont dû tourner avec eux, ouais. Ouais, ils étaient passés à la Malterie en 2018. Le nom du groupe, c'est Klaus Johann Grob. ou Johan Grob, je ne sais pas. Ça fait un petit moment que j'avais envie de le passer, mais à chaque fois, je ne trouvais pas forcément le morceau qui collait bien avec mes autres morceaux et compagnie. Là, c'est chose faite. Donc, ils avaient sorti un premier EP en 2013, et on est plutôt sur de la pop électro-groove, un peu funk, un peu soul. Chanté en allemand, non ? Oui. Ça tire parfois vers le krott et le psyché, mais globalement, ça reste plutôt des morceaux taillés pour le dance floor. Ouais. Je vois ce que c'est. Ça reste pop, quoi. Ça reste facile d'accès. Exactement. Il y a un côté métronomie aussi pour vous donner un petit peu une idée. Le côté groovy. Voilà. Ils sont signés chez Trouble in Mind Records. Et là, on va écouter le dernier single en date qui était sorti. Bah, c'était une self-release, donc c'est sorti par eux-mêmes en septembre dernier. Et là, c'est la version étendue, la version de 6 minutes. En fait, c'est un morceau qui se décompose plutôt en deux parties. T'as la première partie qui est la première moitié qui est très pop, très lisse. Et la deuxième moitié où t'as une flûte un peu soul, 60s, qui vient et qui est merveilleuse. Et moi, cette deuxième partie-là, c'est pour ça que j'ai choisi de vous mettre la version longue, parce que sur la version courte, du coup, ça coupe à 4 minutes. Et on n'a peut-être qu'une minute de cette partie qui est quand même super belle. Donc, je vais arrêter de la présenter, on va l'écouter. Donc, c'est Downtown Extended Version, du coup, de Klaus Johann Grob. Thank you. C'était Klaus John Grob avec Downton, version étendue. Voilà, voilà, après le morceau de la sieste de Pierrot, et ben là, vous êtes normalement un petit peu plus réveillé, en douceur, mais en dansant, pour le morceau suivant. Normalement, vous dansez, là. Hein. Là, c'est très très chouette. C'est pas exactement la même ambiance que ses albums précédents. Non. Et ça, il va vers un nouveau chemin, et on a envie de l'accompagner, en dansant. Et ben on va continuer sur la danse, peut-être un peu de danse un peu plus brutale, avec les B-Boys. Les B-Boys, c'est un groupe que j'ai découvert, tu t'entends le son comme ça en fond, tu fais, ah, c'est bien ça, ça c'est cool. Et donc B-Boys, j'y suis retourné plusieurs fois, c'est-à-dire j'ai écouté l'album, je fais, ah non, j'ai réécouté, je fais, non mais c'est bien en fait. Voilà, donc maintenant, grâce à ce cheminement de pensée musicale, vous avez le droit de les écouter dans Goodbye Kevin. donc, eh ben, B-Boys, à la base, eh ben, c'est une pratique de breakdance. Mais là, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est pas de break, on fait pas fête de breakdance ou de hip-hop. C'est un trio B-Boys qui est originaire de Brooklyn. Bon, déjà. Hein, bon, on reste sur la scène hip-hop, hein, à New York. C'est ça, le déjà ? De quoi ? Tu m'as dit déjà ? Oui, Brooklyn, c'est parce qu'on reste là-dessus, ouais. Ok. Sur les débuts. Mais après, je t'avais perdu. T'as dit déjà et tu t'es rendormi. Ouais, j'étais perdue dans mes pensées. En fait, je suis accrochée à tes lèvres. J'attends ce que tu vas dire. Eh ben, alors, il y a 3 ans, ils avaient fait une entrée fracassante avec leur premier album qui s'appelait Dada. Et là, ils reviennent avec un nouvel album. Bon, il était sorti en 2019. C'est il n'y a pas si longtemps. Et il s'appelle, ce nouvel album, Dudu. C'est pas vrai. Si, si. Ah non, et j'ai failli te faire une blague en disant, bah, le deuxième album s'appelle Dédé ou Didi. Bon, presque, hein. T'aurais pu être dans ce trio, ça ferait un quatuor. C'est clair. Et donc, ils ont sorti cet album toujours chez Captured Tracks. Et bah, ils continuent dans leur post-punk bien nerveux et incisif. Mais là, il est peut-être légèrement moins brut que le premier. Ou mieux maîtrisé, je ne sais pas. Et donc, bah, les influences, on peut les citer, bah, c'est The Fall ou encore Gangs of Four. Et pour les influences plus récentes, eh ben, y a Parquet Courts ou Proto Martyr. Ok. Et là, on va écouter le super morceau qui s'appelle Instant Pace, qui, ma foi, fait bouger les fesses de B-Boys sur l'album Dudu. Matters always take, but I remain the same. B-Boys, Instant Pace. Bien, bien, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, bah, beaucoup manger, beaucoup bon goût, le chat. Quand bien manger le chat. Nous bien manger le chat. Nous manger B-Boys. On enchaîne, on reste à New York. C'était un Indien dans la ville, hein, si les gens n'avaient pas la référence, pardon. Donc on... Non, non, c'est pas juste nous qui nous parlons comme des gogoles. On ne va pas manger notre chat, on peut pas, il est jobber. Il passe away. Les étoiles grisou. Allez, Léna. Donc on reste à New York avec encore une fois un duo formé en 2012. Alors leur histoire, elle est assez rigolote parce qu'ils se sont rencontrés 8 ans plus tôt, donc 8 ans avant 2012, ce qui nous fait Pierrot. Ce qui nous... 2004 ? Oui, via MySpace. Alors, il y en avait un qui était employé, qui doit l'être toujours. À l'époque, il était employé de bureau dans une école de droit et jouait de la guitare électrique. C'est Tom de MySpace ? Non, c'est pas lui. Non. Ah, il n'y a que les utilisateurs de MySpace qui peuvent comprendre cette blague. Ah ouais, non, je sais c'est pas. C'est que tu avais un ami qui doit être le créateur de MySpace, ah, qui s'appelait Tom et qui était... ton premier ami sur MySpace. D'accord. Et bah, du coup, l'autre, il travaillait pour une entreprise spécialisée dans le dépistage du cancer et il jouait des percussions et il fabriquait son passe-temps, et il le fait, c'est toujours son passe-temps, il fabrique des cornes de brume, par exemple. Et voilà, et il en joue. C'est un drôle de passe-temps, ça. Ouais, non, c'est rigolo. Du coup, là, on est plutôt sur une formation jazz, mais en mode expression libre, do it yourself. Qui va puiser un peu ses inspirations un peu partout, sur un peu partout, que ce soit en Amérique, en termes d'époque ou en termes de localisation. Voilà ce que je voulais dire. Donc, pour le morceau qu'on va écouter, on est plutôt sur un blues désertique qui rappelle à la fois l'Ouest américain et le Sahara, le blues Touareg, tu vois. Un peu de... Ouais, Tinariwen, merde, c'est comme ça. Tinariwen. Ouais, voilà, pardon. Bah, un peu, ouais, tous ces groupes-là et tout, de groupes Touareg, justement. Situé, ouais. Voilà. Cet extrait-là, qui s'appelle... J'ai dit le nom du groupe de... Je ne crois pas. Le groupe s'appelle 75 Dollar Bill. Et du coup, le morceau qu'on va écouter s'appelle Tetuzi Akiyama. Et il est issu de leur troisième et dernier album, qui est sorti en mai 2019 chez alors Sin Wrist, Glitterbeat Records et Tactile. Tactile et Glitterbeat, je crois que c'est des labels qu'on a déjà cités. Ouais, qu'on passe régulièrement également. Voilà, donc Tetuzi Akiyama de 75 Dollar Bill sur Radio Campus Lille. Dans Goodbye Kevin. Yeah. c'était 75 dollars bill avec un extrait de leur troisième album qui s'appelle I Was Real. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et t'as entendu, Pierrot, il y avait des... les cornes. Oui, c'est le... Ouais. On dirait que c'est une guitare. Bah, y a une guitare électrique et il y a par-dessus les petits trucs de cornes qui viennent. Donc ça, c'est ces petites cornes qu'ils fabriquent. Eh ben. Je dis cornes, je ne sais pas comment ça s'appelle en vrai. Mais c'est horns. Bah si, c'est ça. En anglais. Bah fais confiance à mon anglais, hein, c'est ça, hein, cornes. Ah ouais. on va écouter un artiste... on va... qui s'appelle Jawar, qui est installé en Belgique, mais qui est tunisien de naissance. Si, si. Et donc, il fait une musique pop-folk qui est inspirée du, aussi bien du Shaabi que de la pop sombre de Timber Timbre, ou encore ah, oui. du folk de Nick Drake. Donc, il partage même la voix assez délicate et soyeuse oui. de Nick Drake, qu'on a déjà cité en tout début d'émission. C'est vrai. Et donc il a sorti un album il y a peu de temps chez 62 TV Records et Pias qui s'appelle également Winra Mara et nous on l'avait vu en première partie au Centre Culturel de l'Équin de Derial Yildirim. Derial Yildirim et groupe Simsek. Exactement. Donc on écoute tout de suite Winra Mara de Jawar. Oh, Shawar et le morceau Winra Mara. Très joli. Issu de l'album éponyme. J'ai bien aimé. Franchement, c'est joli. Ouais, c'est très très beau. On part à Portland avec le projet, avec un groupe qui s'appelle Rose City Band. En fait, c'est pas un groupe, c'est le projet solo de Ripley Johnson. Ripley Johnson qui est membre de Moon Duo et qui est aussi le leader de Wooden Gyps. Ouais. Voilà. Ah ouais, donc il ressort encore un nouveau, projet. Mais on n'en a pas entendu parler, je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, on est plutôt sur du néo-psychédélisme, un peu ambiante, un peu stoner, avec beaucoup d'accent country. Et on est un peu sur des morceaux qu'on écoute au soleil le matin, en promenade ou sur la route. Pendant son heure de promenade avec son attestation. Ouais, des morceaux un peu contemplatifs. Donc, c'est son premier album qui est sorti chez Thrill Jockey l'année dernière et chez Jean Sandwich Records aussi, ça m'a fait beaucoup rire. Je crois que c'est son label, le Thrill Jockey Records. Peut-être, ouais. Et il n'a pas forcément fait la promo de cet album-là, dans le sens où à la base, c'était un projet d'enregistrement, tout simplement, sans attente. Enfin, il ne voulait pas se plier aux attentes ou à des obligations, tu vois, en termes de... Sans rien attendre en retour, quoi. Ouais, voilà, en fait, c'était vraiment un truc, c'était pour la musique, pour l'expérimentation. Et il faisait souvent la blague que quand il, à sa retraite, en fait, il se voyait bien monter un groupe de country et aller jouer toutes les semaines au pub du coin. Enfin, tu vois, toujours le même set et tout, voilà, et terminer ses vieux jours comme ça. Et en fait, là, du coup, c'est un petit peu dans cette idée-là qu'il a fait cet album qui, à la base, c'était juste de la musique qu'il voulait enregistrer et qu'il a, du coup, il a fini par le sortir, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Donc, l'extrait qu'on va écouter s'appelle Rivers of Mind. C'est un long morceau, 6 minutes et quelques. C'est pas mal. Il n'y a pas de paroles dessus, il me semble. Je ne suis pas certaine qu'il chante sur cet album. Le nom de l'album, c'est Rose City Band, pareil. Et voilà, je vous le conseille. Thank you. C'était Rose City Band avec Rivers of Mind, projet du coup de Ripley Johnson. C'est pas mal. Hein. Ouais, ouais, c'est cool. Je vois tout à fait le côté contemplatif que tu évoquais ouais. au début. Et je trouvais qu'il y avait un côté suicide oui. d'Alan Vega. Voilà, dans l'ambiance à certains moments, c'est juste la voix qui est posée un peu en réverb. Et... Oui, parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de parole, mais en fait, si, je me suis rendu compte en l'écoutant, là, en direct, que si, il posait sa voix par-ci, par-là. Ouais, mais c'est des pas ça touches. Qui prédomine. Non. Donc ça se comprend que tu aies dit qu'il n'y avait pas de parole. Quoi, ça se moue tellement dans la, ouais. dans la musique, ça se moue. Ça se confond. Ouais, ça se moue. Ça se moue. Mou, je suis une mousse. Mousse, pauvre de mousse. Mais mousse, c'est toi. Pauvre de moi. Évidemment, c'était Hook, vous l'avez reconnu. Nouvelle émission, nouveau concept, Goodbye Kevin et des quiz de cinéma. Blind test. Non, pas du tout, on continue. Avec un groupe qui s'appelle Widow Speak. Widow Speak ont écouté leur quatrième album qui était sorti initialement en 2017, qui est un duo de Dream Pop de Brooklyn, donc encore Brooklyn, qui avait l'habitude de sortir un album tous les deux ans. Voilà. Et sauf qu'en 2019, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, ouais. Y a rien. Et ouais. Donc, c'est un album qui a été produit par Kevin McCown, donc qui a déjà produit ou qui est membre des groupes Swans et Real Estate. Ils avaient été produits sur l'album précédent, sorti en 2015, si on suit bien l'histoire, tous les deux ans. C'était le leader des Woods. Qui les avait produits sur cet album-là. Exact. Et là, ce n'est pas lui, c'est Kevin McCown. Woods, Ben Beyond, non ? Ils ont un album qui s'appelle comme ça. Exact, un ouais, des premiers. C'est ça. Donc, Molly Hamilton et Robert Earl Thomas sur cet album ont recruté deux nouvelles têtes. Excusez-moi, je vais tousser. Ouais. Mais dans son coude. Exact. Et donc, ils ont pris Willie Muse à la basse et James Jano à la batterie. Et donc, cet album, ce qu'on sent à fond, c'est l'ambiance Mazzy Star. Et également le côté shoegaze, mais de façon assez doux. Mais tu sens qu'ils ont dû bouffer toute la discographie juste avant, ou petite dose, vas-y, on va mettre du Magistar. En fait, ils avaient ça dans, dans leurs écouteurs, dans leur retour casque, pendant qu'ils jouaient au studio, quoi. Exact. Et donc, on trouve un côté batterie hypnotique. Donc, tu vas le voir, la batterie hypnotique. Et des réverbes de guitare assez fortes qui habillent la voix douce, soyeuse et feutrée de Molly Hamilton. Et c'est assez hypnotisant. Moi, c'est un coup de cœur. J'ai découvert cet album il y a peu. Il y a deux semaines, si vous voulez tout savoir. Et il est chez Captured Tract et c'est une tuerie. Il s'appelle Expect the Best. Et ça tombe bien parce qu'on écoute la chanson Expect the Best de Widow Speak. No more sex or sleep. Il reste encore 5 secondes de morceau, mais on reprend la main. Okay. C'est excellent, excellentissime. Bah, tout l'album est excellent, je vous le conseille fortement. C'est Windows Peak, Expect the Best. Et leur premier aussi, qui était sorti en 2011, est très très bien. Les autres sont bien, mais si on, y en a 4. Je vous dis par lesquels commencer. Je pense que si demain il fait beau, je vais peut-être me poser au soleil et écouter ça, avec un petit café. Et ben on verra. Voilà. S'il fait pas beau. S'il fait pas beau, bah c'est pas grave, je me poserai dans mon lit. Ça sera compagnie créole pour appeler le soleil. C'est ça. On continue avec une initiative qui a été lancée par le label rouennais Kids Are Lofi, derrière qui se cachent des membres du groupe We Hate You, Please Die. En fait, ce label a invité 41 artistes de la scène française à reprendre des tubes des années 90-2000 en 3 semaines avec les moyens du bord, en mode un peu second degré. Et ça a donné justement cette compile qui s'appelle Six Sad World Anti-Covid Covers. Et cette compilation, du coup, elle est en libre écoute sur Bandcamp, mais surtout, elle a pour but de venir en aide aux plus démunis, aux sans-abri et aussi au corps médical via une cagnotte Litchi qui prendra fin dimanche. Voilà, et dont les dons seront reversés entièrement au Secours Populaire. Donc la dernière fois que j'ai regardé, c'était mercredi, on était à 6 400 € de récolté. Voilà, donc n'hésitez pas, vous mettez ce que vous voulez et vous avez accès à l'album digital, du coup. Et vous avez, du coup, parmi ces groupes que je t'ai cités, tu as des artistes comme Metro Verlaine, De La Cave, Brian Magic Tears, Grand Gourou, Structure, En Attendant Anna, Cathédrale. Et ça reprend du Benny Benassi, du Lou Béga, du Mano. Il y a même le générique d'ouverture de Fort Boyard qui est ouvert, qui est repris. C'est génial. Il est en mode version country et tout. Un peu mal. Ennio Morricone, tu vois, un peu Far ouais. West. Enfin, bref. Donc là, ce qu'on écoute, c'est une reprise de Jennifer Lopez, donc Jenny from the Block, par Théo, artiste que j'aime beaucoup, j'arrête pas d'en parler, qui est sur le label Octoberton, pardon. Et je vous laisse découvrir ça, c'est vraiment pas mal. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the Block. Used to have a little, now I have a lot. Better. C'était Jenny from the Block, repris par Théo, donc titre original de Jennifer Lopez. On me dit dans l'oreillette que j'aurais peut-être pas dû vous dire tout de suite et vous faire deviner. C'est vrai, c'est pas faux, mais bon, c'est pas grave parce qu'on n'est pas en mode interactif. Donc voilà. C'était juste pour le jeu, tu vois. Oui, voilà, c'est vrai que j'aurais pu te faire deviner, mais on reconnaît quand même. On a le temps vite fait d'un titre pour se quitter, Léna. Ouais, c'est une reprise d'I Can't Get You Out of My Head de Kylie Minogue, repris ici par Didi and the Abracadabras. Sur la même compile, et nous on se dit à la semaine prochaine. Ouais, bisous. Salut Léna, au revoir. Au revoir. Et restez sur Radio Campus Lille.